S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où le Michelibou. Suis-moi, on y est presque, suis-moi, là où rien ne presse, suis-moi. Et v'là que nous y voilà. S'pose, c'est si bon quand on s'pose. Et qu'on ose ouvrir enfin les bras. Spère, c'est si bon quand on spère. Sans ces espèces de repères qui nous repèrent même pas. Spère, c'est si bon quand on spère. D'être si c'est si bon quand...